David Hallyday avec sa dernière lettre sur RGM. 8h36, passé de quelques secondes, on fait tout de suite un point sur les anniversaires. Ils sont nés un 14 août 1927, naissance de Roger Carrel, comédien français, vu par exemple dans Le Retour des Bidas en folie, Papy fait de la résistance ou encore la série télé Arsène Lupin, mais voix majeure du doublage français, connu pour avoir été la voix de nombreux personnages mythiques tels que Astérix, C3PO, Mickey Mouse, Alf, Winnie l'ourson, Kermit la grenouille, Benny Hill ou encore Hercule Poirot. 1945, naissance de Steve Martin, acteur humoriste américain, vu dans Un ticket pour deux dans le rôle de Neil Page, Le père de la mariée 1 et 2 dans le rôle de George Banks, 13 à la douzaine 1 et 2 dans le rôle de Tom Baker ou encore La panthère rose 1 et 2 dans le rôle de Jacques Clouseau. 1946, naissance d'Antonio Fargas, acteur américain connu pour son rôle de Guy les bons tuyaux dans la série télé Starsky et Hutch, son rôle de Doc dans la série Tout le monde déteste Chris et vu également dans les séries Heroes ou encore Numbers. 1959, naissance de Marcia Gay Harden, actrice américaine vue dans Rencontre avec Joe Black dans le rôle d'Alison Parrish, Mystic River dans le rôle de Celeste Doyle, Le sourire de Mona Lisa dans le rôle de Nancy Abbey, Into the Wild dans le rôle de Billy McCandless, la trilogie 50 nuances de Grey dans le rôle de Grace Trevelyan Grey ou encore la série télé Code Black dans le rôle du docteur Leanne Rohrisch. C'est également l'année de naissance de Magic Johnson, ancien basketteur américain ayant fait carrière de 1979 à 1996 et durant toute cette période, il a joué pour les Lakers de Los Angeles, club avec lequel il a remporté 5 titres de champion NBA en 1980, 82, 85, 87 et 88 et lors de ces titres, il est élu 3 fois meilleur joueur des finales NBA et remporte également 3 titres de meilleur joueur de la ligue en 87, 89 et 90. 1963, naissance d'Emmanuelle Béart, actrice française vue dans Un amour interdit, Manon Dessources dans le rôle de Manon Cadoret, César de la meilleure actrice dans un second rôle, J'embrasse pas, Rupture, Mission impossible dans le rôle de Claire Phelps, 8 femmes, Disco ou encore Les yeux jaunes des crocodiles. 1966, naissance d'Halle Berry, actrice américaine vue dans La famille Pierre à feu, Opération Espadon, À l'ombre de la haine dans le rôle de Laetitia Musgrove, récompensée par l'Oscar de la meilleure actrice, dans le James Bond, Meurt un autre jour dans le rôle de Jinx, Gothica, Catwoman dans le rôle de Catwoman, Happy New Year, mais c'est vrai qu'on la connaît surtout pour son rôle d'Aurora Monroe alias Tornade dans X-Men 1 et 2, X-Men l'affrontement final et X-Men Days of Future Past. C'est également l'année de naissance de David Hallyday, chanteur et musicien français. 1968, naissance de Catherine Bell, actrice américaine, vue au cinéma dans Bruce Tout-Puissant et Evan Tout-Puissant dans le rôle de Suzanne Ortega, la série télé Jacques dans le rôle du major puis lieutenant-colonel Sarah McKenzie, dit Mac, American Wives dans le rôle de Denise Sherwood, Un soupçon de magie dans le rôle de Cassie Nightingale où elle est également productrice. 1973, naissance de Romane Boringer, actrice française, fille de Richard Boringer, vue dans Les Nuits Fauves dans le rôle de Laura, César du meilleur espoir féminin, Rembrandt, Le Petit Poucet, Le Bal des actrices, la série télé Nos Enfants Chéris ou encore Le Tueur du Lac dans le rôle de Diane Varela. 1974, naissance de Christopher Gorham, acteur américain vu à la télévision dans La Vie à 5, populaire dans le rôle d'Harrison John, Felicity, Jack 2.0 dans le rôle de Jack Foley, NIH Alert Médical dans le rôle du docteur Miles McCabe, Ugly Betty dans le rôle d'Henry Grubstick, Covert Affair dans le rôle de Guy Anderson ou encore Once Upon a Time dans le rôle de Walsh. C'est également l'année de naissance de Thomas Sisley, humoriste acteur français vu dans Truand, Largo Winch 1 et 2 dans le rôle de Largo Winch, Kidan dans le rôle de Daniel. En septembre prochain, il sera à l'affiche du film Lucky Day dans le rôle de Jean-Jacques et vu à la télévision dans la série Studio Sud dans le rôle de Nico, La saga de l'été méditerranée dans le rôle de Mehdi ou encore plus récemment Coup de foudre à Noël dans le rôle de Martial. 1983, naissance de Mila Kunis, actrice américano-ukrainienne vue dans Black Swan dans le rôle

A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. Mambo number 5, Lou Béga sur le 107FM. Un peu plus de 8h46, eh bien il est temps pour nous de faire un point météo. La météo. Alors, la bonne nouvelle d'aujourd'hui, c'est qu'on passera principalement la journée sous le soleil, bon, avec quelques nuages. Mais alors, pour les températures, ce matin, entre 10 et 11 degrés seulement. Mais pour cet après-midi, ça va grimper un petit peu, hein. Ce sera entre 20 et 22 degrés. Pour jeudi, ce sera clairement une journée mitigée, éclaircie, mais surtout de la pluie, des températures comprises entre 14 et 15 degrés le matin, entre 20 et 22 degrés prévus pour jeudi après-midi. Vendredi, ce sera le retour du soleil avec un ciel un petit peu voilé, des températures comprises entre 13 et 14 degrés le matin, entre 21 et 23 degrés prévus pour vendredi après-midi. Allez, tout de suite, on file faire un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. On commence tout de suite avec du football et la Coupe de la Ligue et victoire de Nancy sur la pelouse de Caen, 1-0. Ce soir, c'est la Super Coupe d'Europe qui oppose Chelsea à Liverpool. Un mot de tennis avec le tournoi de Cincinnati et l'élimination de Gaël Monfils en 2-7 face à Tiafoe, 7-6, 6-3. En revanche, qualification de Benoît Paire qui affrontait Verdasco. Malheureusement, l'Espagnol a dû abandonner. Il y avait 6-4 dans la rencontre. Donc, qualification de notre Français. A noter la victoire de Stan Wawrinka en 3-7 face à Dimitrov, 5-7, 6-4, 7-6. Djokovic s'est qualifié en 2-7 face à Cuere, 7-5, 6-1. Federer qualifié en 2-7 face à Londero, 6-3, 6-4. A noter la qualification en 3-7 de Karen Busta face à Isner. Goffin, Chapovalov se sont tous deux qualifiés en 3-7. Medvedev et Bautista Agut se sont eux qualifiés en 2-7. Et à noter les éliminations de Koric et Basilashvili, tous deux éliminés en 3-7. Au programme d'aujourd'hui, Benoît Paire affrontera Medvedev, Lucas Pouille sera opposé à Chapovalov, Richard Gasquet affrontera Delbonis et Manarino affrontera Kukushkin. Il y aura également Alexander Zverev opposé à Kekmanovic, Kachanov opposé à Kyrgios, Nishikori affrontera Nishioka, Tsitsipas sera opposé à Struff, Bautista Agut à Tiafoe, Wawrinka à Rublev et Goffin à Peya. Côté féminin, à noter la qualification de Venus Williams en 3-7 face à la tête de série numéro 5 Bertens, 6-3, 3-6, 7-6. A noter que Serena Williams a déclaré forfait, c'est donc Diaz qui s'est qualifié face à la Lucky Loser hein, qui a été repêchée pour remplacer Serena Williams. A noter l'abandon de Bencic et donc la qualification d'Azarenka. Keys s'est qualifié en 3-7 face à Muguruza. A noter l'élimination de la tête de série numéro 6 Kvitova face à Sakkari en 3-7 et l'élimination de Kerber, tête de série numéro 13, éliminée en 2-7 par Kontaveit. Aujourd'hui, Alep affrontera Alexandrova, Berti sera opposée à Sharapova, Stevens affrontera Putintseva, Osaka sera opposée à Saznovic, Pliskova, elle, à Wang, Keys affrontera Gazadkina, Zabalenka affrontera Zeng et enfin Svitolina affrontera Mertens. Et en basket, à noter que pour l'équipe de France, retour de blessure pour Nando Docolo et Axel Toupane. Ils seront donc tous deux opérationnels pour le prochain match de préparation de l'équipe de France. C'est contre le Brésil et ce sera le 16 août. Eh bien, c'est le 16 août, c'est vendredi. Voilà, et le match aura lieu à Villeurbanne. Voilà pour l'actualité sportive. C'était la dernière actualité sportive du mois d'août. Elle reviendra bien évidemment dès le 2 septembre. Et on va donc tout de suite marquer la dernière pause musicale. Et quand on parle de tube de l'été, on ne peut pas passer à côté de celui-ci. C'était normal que je termine avec ce titre. Retour en 1989, c'était il y a 30 ans, Kaoma et la Lambada. La Lambada sur RGM, un peu plus de 8h54 et c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Mais avant de se quitter, eh bien un petit point sur les émissions qui vous attendent en ce mercredi à 11h30 en route vers l'insertion avec Chris. 13h30 la rediffusion de Mille et une histoires du tatouage avec Alex. 20h Nothing But The Blues, 21h rediffusion de Mosaïque et nous on se retrouve le 2 septembre. Notez bien, le 2 septembre je ferai ma rentrée comme les enfants. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une bonne fin de semaine et si tout comme moi vous allez être en vacances, eh bien profitez bien de vos vacances, même si les premiers jours, si vous restez dans les Vosges, ne sont pas forcément ensoleillés, mais profitez-en bien. Allez, ciao, bye bye.